Vous êtes à l'écoute de... Le Trangena. Le Trangena. Le Trangena. Le Trangena. 02-344-58-55. Voilà, donc ce soir nous avons un invité. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, cet invité, oui, il faut parler dans le micro. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous faites partie d'un mouvement ou d'une association, c'est une association ? Non, pas du tout. C'est un mouvement citoyen. Un mouvement citoyen qui s'appelle le Gang des Vieux en Colère. Absolument. Ça m'a toujours intrigué quand j'ai entendu cette appellation. Et ça fait longtemps que j'ai entendu parler de vous. Et c'est pour ça que quand je vous ai rencontré la dernière fois, que j'ai rencontré certains membres de votre mouvement, le 8 mars, devant la gare centrale, je me suis dit, oh, il faut que j'aille les voir et que je les invite. Donc, mais là, voilà. Il y avait particulièrement des dames gangsters. Non, il y avait aussi des hommes. Il y avait des hommes en jupe, absolument. Oui, absolument. Oui, oui. Il y avait des hommes. Parce qu'en fait, moi, je suis partie je m'occupe d'un comité de femmes sans papier. Nous avions un stand juste en face de vous. Et à un moment, on m'a dit, oh, je suis allée vous voir. Et c'est pour ça qu'on vous a invité ce soir pour venir parler de votre mouvement. Eh bien, je remercie toutes les femmes, gangsters ou non, grâce auxquelles nous sommes parmi vous. Ok. Donc voilà, avant ça, on va peut-être prendre un petit morceau de musique, Serge. Oui, on va faire plaisir à notre chien notre chien anarchiste qui n'est pas là aujourd'hui, ouais. Qui aurait pu faire partie des gangs des... Des vieux en colère, oui. Le doyen. Parce que lui, c'est vraiment toujours un vieux en colère. Eh bien, j'espère qu'il en fera partie très vite. Alors, on y va. J'étais l'homme abstrait à cheval sur Neptune, night and day, night and day. Moi, noctambule affreux, vivant à bout portant, night and day, night and day. De biologistes dans les bars faisaient fortune. À mettre du pernod dans les fleuves de sang, night and day, night and day. Ça tape, ça tape, ça tape, ça crie, ça crie, ça crie, ça tape, ça crie, ça gueule, et puis ça rotative. Et l'encre se déloque à la gueule des gens. Le sperme des nouvelles se met du noir aux yeux. Des nouvelles sans sas et super, et mon cul a vous donné l'idée de retourner vers les oiseaux. Night and day. Night and day. Je pensais des vagins et ne savais pas leur n'attendais. J'avais des putains lasses au bout de mon charnier. Night and day, night and day. Je tricotais des kilomètres à 100 à l'heure. Night and day, night and day. Ça me fera des pulpes énaves à mi-vernet. Night and day, night and day. Ça tape, ça tape, ça tape, ça crie, ça crie, ça crie. Ça tape, ça crie, ça gueule, et puis ça rotative. Et l'encre sèche vite dans les pattes des gens, et le sang des nouvelles a rougi dans leurs mains. Des nouvelles à la con, et puis dingue, et mon cul a vous donné l'envie de vous brancher au quatrième. Night and day, night and day. Je cassais les réveils, les montres, les horloges. Night and day, night and day. Et des femmes gobaient les œufs de leurs amants. Night and day, night and day. L'océan de ton cul déferle dans ma loge. Night and day, night and day. Ton cancer a deux jours et tu as 18 ans. Night and day, night and day. Ça tape, ça tape, ça tape. Ça crie, ça crie, ça crie. Ça tape, ça crie, ça gueule. Et puis ça rotative. Et l'encre fait aux gens des souvenirs ancrés. Et les nouvelles jouent aux quatre coins du monde. Des nouvelles à la glande. Des nouvelles du monde. À vous donner l'envie de dégueuler la quadrature. Night and day. Night and day. Il paraît que la vérité est aux toilettes et qu'elle n'a pas tiré la chasse. La vérité, c'est dégueulasse. Night and day. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Gwendoline vient d'arriver dans notre studio. Bonsoir Gwendoline. Bonsoir. Je suis encore à l'heure. Voilà. Donc on va venir à notre gang des vieux en colère. Bonsoir Michel. Mais bonsoir. Moi je voulais savoir pourquoi le gang des vieux en colère. Pourquoi le nom ? Le nom. Alors le nom, c'est parce que nous sommes nés d'une idée qui a surgi lors d'un repas entre amis. On était une douzaine à table. On rigolait beaucoup, on buvait beaucoup. Enfin, pas trop, mais quand même. Et je ne sais pas comment c'est arrivé. Il y a l'un d'entre nous qui a dit, vous savez, moi, j'ai 600 euros par mois pour vivre. Ça a acheté un froid glacial, mais alors vraiment un vrai froid. On s'est même arrêté de rigoler. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose pour tous ceux qui sont dans le même cas, enfin, ou qui vont devenir dans le même cas, ou qui vont arriver. Et puis c'est parti dans tous les sens. Alors on a ouvert beaucoup de bouteilles de vin. Et on a commencé à délirer un peu. C'est pas vraiment du délire, puisque ça a donné lieu à un mouvement citoyen, mais on s'est dit, c'est décidément, on a de moins en moins des hommes politiques dignes de ce nom. Il y en a qui sont vertueux, sans doute. Moi, je crois que j'en connais quelques-uns. Mais à part ça, on se retrouve avec des gouvernements, a dit l'un d'entre nous, je ne me souviens plus lequel, mais c'était pas moi. On a affaire à un gang. Les gouvernements qui se succèdent, ce sont des gangs, enfin. C'est des gangsters, enfin, c'est... Ils s'approprient des territoires, ils s'approprient des marchés. C'est des vrais gangsters avec leurs voitures, leurs chauffeurs, capitonnés, ça. Ouais. Alors on s'est dit, mais alors on va faire la guerre des gangs, et on va s'appeler le gang des vieux en colère. Et voilà comment est venu le nom. Et voilà comment c'est né. Et ça se passait en novembre 2017. Alors après, on a été dormir, parce qu'on était quand même un peu assommé par le vin rouge. Et puis, on s'est réveillé pendant Noël. Vous savez, c'est le moment où on rit et on pleure. Et en janvier, une vieille gangster, Françoise, a décidé de mettre quelque chose sur Facebook. Alors voilà, on a fait une page Facebook, après on a fait un groupe privé Facebook, après on a fait une première réunion en avril. Vous voyez, ça a pris du temps. Donc en fait, on peut dire qu'on est né en avril, presque un peu plus d'un an, à peine. Et maintenant, on est 10 000. Ça, c'est bien. C'est voilà. Incroyable. Mais quand vous dites 10 000, ça veut dire que vous avez 10 000 amis sur Facebook ou... Alors ça veut dire qu'on a... ça, alors quelle bonne question. Ça, je dis quelle bonne question pour avoir le temps de réfléchir. Non, pas du tout. On a 4000 membres dans le groupe privé Facebook. On a plus de 4000 membres sur la page, enfin sympathisants, qui disent qu'ils aiment la page, sur la page Facebook. C'est pas les mêmes. Il doit y avoir à peu près 5% qui se recoupent. Et puis, on a très peu, on a à peu près un millier de membres, parce que c'est des vieux, comme moi d'ailleurs, mais enfin, qui n'ont même pas d'Internet. Certains ne peuvent d'ailleurs pas s'offrir de possibilités ou d'avoir un computer ou même... d'aller sur Internet, donc qui prennent de nos nouvelles par téléphone ou par courrier. Et puis enfin, on a à peu près aussi 3500, je crois, membres uniquement par email. Ça veut dire qu'en fait, on a beaucoup plus que 10 000, mais comme on estime qu'il y a des sympathisants de la page, des trucs comme ça, on dit on est plus de 10 000. Mais parce que l'un dans l'autre, alors on est beaucoup plus ou un petit peu moins. Et quelle est votre activité? C'est principalement participer à des manifestations ou... Alors notre activité, c'est principalement de nous intéresser à ce qui va se passer demain. C'est-à-dire qu'on a constitué ce mouvement, non pas pour nous, parce que pour nous, les carottes sont cuites, ça ne va pas bouger du jour au lendemain. Il est vrai que cette sécurité sociale est née en 1945. Et que à partir de 46, on a commencé à la réduire un peu comme une peau de chagrin. Il y a un truc qui finalement emmerdait beaucoup de gens, surtout les grandes entreprises et surtout les entreprises internationales. Et puis des gouvernements qui finalement sont un peu la main dans la main pour beaucoup avec ces grandes entreprises. Alors ça, tout ce qui avait été des grandes idées de solidarité. Ben voilà, ça a commencé à partir en couille, hein, excusez-moi, mais enfin, c'est vraiment ça qui s'est passé. Et ce qui va se passer demain, si on ne bouge pas, si les vieux de 68, dont je fais partie, ne redescendaient pas dans la rue, et surtout ne recommençaient pas à expliquer encore, eh bien, il se passait rien. Cet après-midi, nous avons fait l'interview d'un politique. J'en parlerai pas parce que on va sortir ça à la veille des élections, toutes les interviews de politiques. Mais enfin, il y en avait un qui disait, mais oui, mais vous savez, les vieux, ils se taisent. Alors, c'est pas notre priorité parce que comme ils disent jamais rien, on va pas trop s'y intéresser. Bon. Et alors, il y a des vieux qui crèvent comme ça dans la rigole, simplement parce qu'ils n'ont même plus la force de parler. Mais nous, on a encore la force et on a encore des kalachnikovs, si vous voulez, de la parole en batterie. Alors on rigole beaucoup, mais le fond est beaucoup plus profond qu'on peut imaginer. Et à cette première réunion, parce que vous dites en avril, vous avez fait de la première réunion, est-ce que là, vous avez pu avoir d'autres gens qui sont venus à votre réunion et, est-ce que c'était aussi des mai 60 tard ou c'était... Alors... Mai 68 tard. Des gens de mai 68, mais qui ne sont pas trop en retard. en avril, alors, on a fait un truc simplement. On a fait une sorte d'assemblée. On était aux alentours de 250-300. Une sorte d'assemblée qui était place de la liberté. C'est quand même très important. Et on avait une lettre ouverte qu'on a fait porter par quatre gangsters en délégation à Charles Michel, puisque c'était, maintenant il est démissionnaire, donc on peut parler au passé, mais enfin c'était le Premier ministre. En tout cas, on a cru comprendre que c'était le Premier ministre. Voilà. Alors on lui a fait porter, je pense qu'il n'était pas là, il était peut-être en vacances, hein, parce que ça peut aussi arriver à des gens comme ça. Mais sa secrétaire particulière a pris notre lettre ouverte. Et après, il s'est fendu d'une réponse. Alors, là, on a beaucoup rigolé. Pourquoi ? Parce que c'était une réponse de 4 pages, écrite par des techniciens qui nous ont pris pour des cons. Parce que vous savez, on peut être vieux, mais pas con pour autant. et donc, on s'est fendu d'une réponse à la réponse. Pendant tout l'été... C'est pour ça que je disais expliquer encore. On s'est fendu d'une réponse pendant tout l'été qui était sous forme de presque épistolaire, un petit peu à la manière des gens des années 30. C'était un feuilleton. Il y a eu 20 numéros. On a pris 3 phrases par 3 phrases de la réponse de notre cher Premier ministre. Et puis on a décortiqué et on a montré à quel point, épisode par épisode, prendre les vieux pour des cons, c'est vraiment pas une bonne idée, quoi. Voilà. Et je pense que ça a fait aussi qu'on a eu de plus en plus de membres. Parce que on peut retrouver hein, la lettre ouverte, la réponse du Premier ministre. Sur votre site. Les 20 épisodes, ils sont dans les archives du site. Oui, ah oui. Oui. Okay. Ah, c'est bien. Voilà, et on explique. Il y a des trucs fous. Enfin, ils font des comparaisons avec des organismes dont la moyenne correspond à tant Et puis quand on regarde ces organismes, il y a la Turquie, il y a, je sais pas moi, le Bangladesh, il y a les États-Unis. Et alors quoi, la moyenne des Belges, ça correspond à ces pays-là. On se fout de notre gueule. Et donc, ce côté, oui, mais nous sommes des psys, nous sommes des scientifiques, nous sommes ceci. Et puis alors, on se rend compte que le bureau d'études qu'il cite, c'est un bureau d'études qu'il paye et qui n'a existé que parce qu'ils sont arrivés au pouvoir. Donc, qu'ils ont mis en place, ça veut dire, ce soir, Lucullus dîne chez Lucullus. Enfin, tout ça devient un ridicule sous forme de science. Ce qu'on estime, c'est que les vieux d'aujourd'hui, mais surtout les vieux de demain, on ne peut pas les laisser dans leurs dernières heures, dans l'indécence. On ne peut pas les laisser n'avoir plus rien que pisser dans leur culotte, vous voyez. Ça, c'est quelque chose qui... Ça nous flingue complètement. Enfin, c'est insupportable. On est dans un pays qui a un PIB fabuleux, parce qu'en fait, la Belgique, c'est en théorie, comme dirait Mafalda, alors d'accord, j'irai vivre en théorie. C'est en théorie un pays riche, et il y a plein de gens qu'on laisse aujourd'hui. Et surtout qu'on est en train de prévoir de laisser demain, c'est-à-dire tous nos jeunes là qui montent sur le climat, tout ça, ils pensent pas à la retraite. Personne ne pense à la... Moi, j'ai jamais pensé à la pension avant de m'y retrouver. Et encore, comme j'ai fait beaucoup de boulot où j'ai bien gagné ma vie, je m'en sors pas trop mal. J'ai pu mettre un peu d'argent de côté. Enfin, voilà. Mais on en trouve autour de nous dans des situations. C'est insupportable. Comment c'est politique de se regarder en disant oui, mais on va peut-être arriver à leur donner juste au seuil de pauvreté. C'est quoi le seuil de pauvreté? C'est une misère, enfin. Comme disait Hugo, c'est pas amoindrir la misère, c'est se séparer de la misère. Voilà. Excusez-moi. Hein, non, mais c'est bien, bravo. Vous êtes en colère, vraiment... hein, mais ça c'est la gang de vieux en colère, donc il faut parler en colère. Non, c'est très bien. Ouais, mais c'est vrai, c'est scandaleux. Ouais. C'est vrai aussi que souvent, je discute avec des gens qui sont encore plus jeunes que moi et qui disent, ben, en tout cas, la pension, ça ne sera plus pour nous. Ah oui, c'est ce que tous les jeunes disent. Alors ça, c'est fou, ça. Quand on les croise, vous avez vu, j'ai un macaron. Alors, les gens voient ce macaron. En plus, il est fait de manière amusante, mais en même temps, on ne comprend pas très bien ce que c'est. Excusez-moi, hein, je vais parler dans le micro. Je vous remercie de bouger ce micro. Mais... donc ils nous posent des questions et alors on leur dit voilà, on se bat pour votre pension, et alors ils nous répondent moi je cherche un moyen de capitaliser, enfin de mettre un peu d'argent de côté, etc. Alors on leur explique, c'est de la connerie, descendez dans la rue. Mais croire que c'est parce que vous avez un tout petit peu de moyens et que vous mettez de l'argent dans un fonds de pension, que ça va être mieux. Non, d'abord, ce que vous mettez aujourd'hui, ça ne vaudra plus rien demain. Et ensuite, si ça valait encore quelque chose, il suffit de voir comment les krachs boursiers se sont faits. C'est à commencer par une horreur dans les fonds de pension américains. Alors, ça veut dire que vous êtes capable de tout perdre. Il y a des banques belges, je ne vais pas citer parce que je ne vais pas faire une banque par rapport aux autres, elles sont toutes dans le même sac. Mais il y a des banques belges, il n'y a pas si longtemps, il y a juste quelques années, elles se sont fait rembourser par l'État belge, mais elles ont jeté à la porte les petits vieux. Les petits vieux se sont retrouvés sans plus rien. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est pas du truc de scientifique. Ça, il faut le rappeler à tout le monde, jour après jour, parce qu'on a la mémoire courte. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire, ça? On a rempli les caisses des banques qui avaient un peu spéculé, raté leur coup, parce qu'ils sont en plus un peu bêtes. Mais en plus, ils ont flingué les vieux. Pourquoi? Parce que nous dit un politique, ah oui, mais les vieux, ils ne parlent pas beaucoup, et puis ils n'ont d'ailleurs plus de voix, et puis de toute façon, ils sont grabataires, et puis de toute façon, ils vont s'éteindre. Mais c'est quoi ce truc? Vous voyez ce que je veux dire? Mm-hmm. Voilà. En fait, il faut revenir à ce que c'était à la base, la pension. Ça veut dire que si moi je cotise aujourd'hui, c'est ce que je cotise va vers les vieux aujourd'hui. Alors, oui, oui, c'est le principe. Le principe, c'est que ce soit pour la... Le principe, c'est le principe de la sécurité sociale. Pourquoi c'est né ? C'est né en 45, en France comme en Belgique, parce que le pays était détruit, qu'il y avait beaucoup de malheureux. Alors, on s'est dit, mais enfin, c'est pas possible, parce que quand un pays, il est détruit, oh là là, mais le pays est détruit, ça veut dire qu'il n'y a plus même d'argent pour payer pour les vieux. Alors, ça semble normal. On s'est dit, ben oui, c'est la misère pour tout le monde. Hein. En 45, on n'était vraiment pas bien. C'est pas le moment de faire une sécurité sociale. Eh ben si, c'est à ce moment-là qu'ils l'ont fait. C'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés à le faire. Et puis, on a eu les 30 Glorieuses, hein, et puis aujourd'hui, ça va pas si mal que ça, sauf certainement pour le climat. Et puis, d'année en année, on ne sait pas comment, cet esprit de solidarité, pour ceux qui étaient sans travail, pour ceux qui étaient malades, handicapés, qui n'avaient pas la santé, et pour les vieux, c'est un peu pareil, hein, on est un peu sans travail et malade et pas la santé, hein, c'est ça les vieux, hein, il ne faut pas déconner. Eh bien, pour ces trois-là, ouais, mais c'est des gens, ils rapportent pas beaucoup, ils nous emmerdent un peu, on va leur enlever ceci, on va leur enlever ça. Alors, y a un truc pour les augmenter, les travailleurs, à certains, on va leur payer une bagnole. Ça, c'était le premier truc. Ça a été le truc génial. On va leur payer une bagnole. Et comme ça, et grâce à cette bagnole, on ne va pas mettre une partie de ce qu'ils auraient eu en augmentation, hein, parce que chaque fois qu'on a du net, puis il y a du brut, puis il y a une partie qui va à la sécu. Eh bien, avec ta bagnole, il n'y a rien qui va à la sécu. Et tout le monde dit « Oh, merci patron, j'ai une bagnole. » J'ai été un des premiers à trouver ça chouette. Mais je vidais les caisses de la sécurité. Je vidais l'esprit de solidarité. Voilà ce qui s'est passé. Et voilà ce qui se passe tous les jours. Ah, on va faire dans l'entreprise une assurance groupe. Ah ben oui, on fait une assurance groupe pour pas payer les augmentations. Parce que l'assurance groupe, il n'y a plus une partie du salaire qui se retrouve dans les caisses de la sécu. Alors, dire, ah ouais, mais la sécu est vide parce qu'il y a trop de vieux maintenant qui vont vivre très, très, très longtemps. D'abord, c'est faux. Il y a simplement plus de vieux qui vivent vieux, c'est tout. Vous voyez, je suis là parce que je ne suis pas mort, c'est tout. Hein. C'est uniquement ça. Il y a plus de jeunes qui ne meurent pas. La mortalité infantile a disparu. Et puis, il y a quand même eu des progrès dans la science médicale qu'il y a des gens qui meurent moins vite. Moi, on m'a opéré de calcul il y a deux mois. Je ne sais pas pourquoi je parle de moi, mais enfin bon, voilà. je m'en suis sorti très bien. Il y a 50 ans, on s'en sortait beaucoup moins bien. Ça ne réussissait pas à tous les coups. Donc peut-être j'aurais été mort. Mais ils vont vivre beaucoup plus vieux. C'est pas vrai. Jeanne Calment est morte très vieille. Mais enfin, c'est une exception. Les autres, ils ne meurent pas beaucoup plus vieux. Ça, c'est les vraies statistiques. Vous voyez, on nous ment tout le temps. Il y a plus de gens qui vivent un peu vieux. Par exemple, plus de la moitié des vieux qui ont eu la chance d'atteindre 64 ans, plus de la moitié des vieux n'ont plus la santé. Donc il y a moins de 50% des vieux qui restent, qui n'ont plus la santé. Et on nous dit, ouais, mais ils vont travailler jusqu'à 67 ans, ça va être chouette, parce que... Alors s'ils ont envie, si ça les fait rigoler, ça c'est bien. Pourquoi pas les empêcher de faire un peu plus de blé ? Moi, je suis pas contre. Mais il ne faut pas obliger les malheureux qui n'ont plus la santé, les malheureux qui sont à bout, les malheureux qui ont tout brûlé, parce qu'il n'y a pas que l'effort physique, enfin, il y a aussi l'effort moral, les pressions. Enfin, heureusement, je m'en parlais un peu du burn-out, mais avant, on n'en parlait pas. Il y a des gens qui arrivent comme ça à passer 60 ans dans des états déplorables. Eh bien, alors, pourquoi on va les obliger à maintenant travailler jusqu'à 67 ? Parce qu'ils meurent plus vite. Maintenant, c'est vraiment comme ça, parce qu'on laisse les gens le plus longtemps possible travailler. Moi, j'ai vu ça aussi. Après, la santé diminue tellement, tu fais un truc cardiaque, tu as plein de stress encore sur un âge. Et j'ai vu vraiment les gens qui sont arrêtés un peu plus tôt quand même, revivre après quoi. Leur santé, ça augmente, l'énergie reprenne. Tu vois, donc c'est vraiment, ouais, ouais. On met les gens dans des situations... Ouais. Moi, je veux simplement d'abord dire un truc, c'est que les sociétés fédérales, en fait, qui entre les entreprises et les syndicats, je ne sais pas si vous savez, mais un ouvrier qui est considéré âgé, c'est à partir de 45 ans déjà. Mais bien sûr. Donc c'est un truc de dingue, hein, on ne se rend pas compte de ça. Ils se rendent compte quand même qu'à un moment donné, la santé pérécline, donc ils le savent. Mais dans les faits, ils font le contraire. Ils poussent de plus en plus les gens à travailler longtemps. Et un autre truc que tu parlais des assurances groupes, ça aussi, il faut savoir, c'est qu'on a créé des assurances groupes sur des sociétés privées, tout le bazar et tout, pour éviter des augmentations de salaire, soi-disant qu'on allait changer. Mais maintenant, en fait, dans beaucoup de sociétés, en fait, ils attaquent ça, parce que soi-disant qu'il n'y a plus assez de rentabilité. Donc, on diminue de plus en plus, en fait, les primes prévues à la fin de leur carrière, en fait. Moi, je suis dans le cas. Je viens d'apprendre cette semaine, donc on a une assurance groupe au boulot, ils vont piquer 14%. Ouais. 14%, c'est beaucoup d'argent. Et je ne sais pas si tu sais, en fait, dans certaines sociétés, ils vont attaquer là-dessus en allant chercher le manque à gagner dans l'AIP, où c'est en fait taux d'augmentation de salaire. C'est encore pire, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on abandonne ce principe de solidarité, ce principe qui est... Et la solidarité, finalement, c'est simplement pour un minimum. Parce que qu'il y ait des gens qui aient beaucoup plus, tant mieux pour eux. Je ne parle pas des grandes fortunes. Hein. Je parle de la middle class. Enfin, voilà, y en a qui gagnent un peu plus que d'autres. C'est tant mieux. C'est leur truc de gagner plus. On n'a rien contre ça. Ce qu'on veut, c'est que, par un esprit de solidarité, ceux qui ont de la chance d'avoir un boulot tout le temps. Ceux qui ont eu de la chance de ne pas être tombés malades, ceux qui ont eu de la chance de ne pas avoir un accident, ceux qui ont eu de la chance tout court, eh bien, qu'il y ait une partie de cette chance qui soit un peu rendue à ceux qui ont été malchanceux. C'est tout ce qu'on veut. C'est d'arriver à des minima, enfin... Prenons l'exemple, il y a un truc fabuleux en Belgique, parce que quand même, on n'est pas un pays de salauds, hein, il y a des gens quand même sympas. Ils ont inventé un truc qui s'appelle la grappa, qui est la garantie, je ne sais pas quoi, pour avoir un peu d'argent. Un minimum, oui. Voilà, un minimum. Bon, alors ce minimum, il ne monte pas très haut, il monte tout à fait en dessous du seuil de pauvreté. Mais alors, ça veut dire que ceux qui se retrouvent et qui surtout ne se sont même jamais payés un petit appartement, hein, parce que s'ils sont ce qu'on appelle petits propriétaires, eh ben, non, alors vous n'avez pas droit à la grappa, tant pis. Il faut que vous soyez vraiment dans une merde noire, quoi. C'est-à-dire être locataire, pas avoir de blé, enfin, dans une merde, alors vous recevez un petit peu. Mais comme vous êtes des demandeurs comme ça, avec la main tendue, avec une sébille tendue et tout, vous n'êtes pas propre, hein, vous n'êtes pas blanc-bleu. Alors on va faire un truc, plus question de quitter le pays. Oui, c'est ça. On va vous mettre un bracelet électronique théorique, mais pas question d'aller en vacances. Donc c'est la double peine. La double peine pour les vrais miséreux. Eh bien, ils doivent demander pardon et aller demander un mot d'excuse pour pouvoir au maximum quitter le pays pendant 30 jours par an. Mm-hmm. C'est scandaleux. C'est vraiment tiré sur une ambulance. CPS, enfin. Hein. C'est la même chose avec les chômeurs et revenus de CPS. Avec les chômeurs, c'est pas pareil. Hein? Non, avec les chômeurs, c'est plus pareil. Non, non. CPS, oui, c'est aussi 30 jours. CPS, après, je ne sais pas, mais ouais. Voilà. Ouais. Oui. Ah oui, mais je ne dis pas qu'il n'y a que les vieux qui sont une détresse. Hein. Nous, on s'occupe des vieux. Enfin, non. On s'occupe de vous pour quand vous serez vieux. Parce que ce sera encore pire que nous. Donc, on s'occupe de cette partie-là. On s'occupe de cette tranche de vie qui est que, voilà, on commence à coûter beaucoup trop cher pour travailler. Parce que vous savez, les vieux, non seulement on leur demande de travailler plus longtemps, mais en plus, on les fout à la porte. Parce qu'il commence à coûter trop cher. Alors on trouve soit une excuse, on dit « Ah, il y a eu faute grave, poum, dehors ». À partir de 60 ans, ça vole, les vieux. Puis à partir de 55 ans, déjà, ils ne trouvent plus de travail. parce qu'ils coûtent trop cher. Alors c'est très curieux ce principe. Ils doivent travailler plus longtemps, mais en fait, ils doivent travailler plus longtemps et en même temps, ils n'auront pas de travail. Ça, nous, le gang des vieux en colère, on ne comprend pas bien. Peut-être qu'un jour, quelqu'un arrivera à nous l'expliquer. Enfin, on espère. Peut-être un temps pour une petite musique, oui. Parce que je pense pour les auditeurs, auditrices... Un peu de danse, mais c'est très bien. Oui, puis moi aussi, j'aimerais bien une petite musique. Enfin, c'est ça pour prendre après Léo Ferré, quand même. Bon, il faut autre chose, c'était pas alors, bien, hein. Léo Ferré C'était bien, si, justement. Remettez-moi quelque chose d'aussi bien. Nous nous retrouvons dans notre émission Tranche d'Anard avec un des membres du gang des vieux en colère, mais qui est vraiment en colère. Hein. Ça, <c'est bien. rire> Il porte bien son nom. Oui, il a raison. Oui, il a raison. Oui, parce que vraiment, il faut faire quelque chose. Tu as une question à poser, Gwen ? Non, c'est juste vrai que je voulais dire que c'est vrai que vous êtes devenu, je pense, un peu plus visible. Vers les jeunes et autres, hein, moins jeunes comme moi, pendant les manifs, quand même, les manifestations, tout d'un coup, on voyait souvent que vous étiez là dans, comme gang de vieux de colère. C'est vrai que on a fait des actions. De toute façon, quand on nous voit, on ne peut pas s'empêcher de rigoler. Et je pense que c'est bien. Je pense que il y a assez de choses très compliquées, très difficiles pour lesquelles nous luttons. Si on ne le fait pas en se marrant entre nous et en se marrant avec ceux qui nous aiment bien, c'est pas possible. Voilà. On voit régulièrement des gangsters en colère qui se promènent dans les manifestations parce que on est parti avec l'idée que, bien sûr, on se bat pour votre pension de retraite, pour un minimum qui vous permettra, nous l'espérons, grâce à cette lutte, hein, parce que sans la lutte, alors vous n'aurez vraiment rien, mais grâce à cette lutte qui gonfle, à vous permettre d'avoir au moins un minimum en main que pour tous les mois pouvoir vieillir dans la dignité et la décence. Mais on s'est rendu compte que si on était obligé de s'étendre, on était obligé d'un petit peu se dissiper parce que ça veut dire quoi avoir une bonne pension quand la planète brûle? Ça devient un peu cucu. Enfin, je pense que c'est juste quand on dit il faut se battre pour les futures générations et en même temps se battre pour un demain immédiat. Alors je dirais que votre pension, c'est le demain immédiat. Le demain immédiat avec une planète qui brûle, ça ne veut plus rien dire. Le demain immédiat avec des gens qui crachent sur des malheureux sans papier, ça ne veut plus rien dire. Le demain immédiat avec des gens qui, parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau, croient qu'ils sont supérieurs, ça ne veut plus rien dire, etc., etc. Donc vous retrouvez effectivement des vieux de toute tendance. Et quand je dis de toute tendance, c'est de... vous seriez étonné de savoir qu'on a des gens qui font partie de la démocratie, des anciens députés de droite comme de gauche qui ont rejoint le gang des vieux en colère. Il n'y a pas de couleur chez nous. On accepte tout le monde à partir du moment où on respecte une charte que vous avez sous les yeux d'ailleurs, qui est que on se bat pour défendre des valeurs et vos valeurs à vous, futurs vieux, si vous avez la chance d'arriver jusque-là. Voilà, on se bat pour vous, mais principalement pour pouvoir vieillir dans la dignité, avec des soins de santé aussi, hein, parce qu'il y a aussi ça. Et aussi pour les gens qui entourent tout ça. Le personnel dans les hôpitaux, le personnel dans les maisons de retraite, qui sont souvent pas très bien payés et qui sont surtout en train de crever par trop de boulot, pas le temps de s'occuper de rien. Alors, pas le temps de s'occuper de rien. Quand on est à l'état gériatrique dans l'hôpital, enfin, et qu'on voit des gens qui sont limite grabataires, mais enfin... Ils ont un cœur comme tout le monde, enfin, ils ont des yeux comme tout le monde, ils entendent plus bien, ils voient plus bien, mais enfin, ils voient quand même un petit peu, ils entendent quand même un petit peu. Il faut leur permettre de partir doucement, dans la douceur. Ça veut dire quoi, ça? On est là, quoi? Uniquement parce qu'ils sentent mauvais, qu'il faut leur changer les couches. Mais non, non. Et les premiers à nous dire ça, ce sont les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants qui nous disent « Donnez-nous un peu de temps pour dire bonjour madame, bonjour monsieur, au revoir madame, au revoir monsieur. Est-ce que vous voulez un petit peu d'eau en plus? Est-ce que je peux vous apporter un petit beurre ?» Enfin, des trucs complètement sans intérêt, sauf que c'est vital pour les gens, vous voyez? Eh bien, on commence à se battre aussi pour ça. On commence à se battre aussi pour les maisons de repos qui sont devenues des enfers sur Terre. Ça va plus. Ça ne va plus. Voilà. Ah, je plombe la soirée, là. Je sens que... Non, non, mais... Bon, j'ai vu ça aussi avec mes grands-parents. C'est vrai qu'on se rend compte quand on va dans des maisons de repos, on entend ça déjà longtemps, quelques années, quand même plusieurs années, que aussi la famille doit s'en occuper beaucoup plus. Si tu n'as plus de la famille comme personne âgée, tu es vraiment dépendant que le système et les institutions. Et alors, tu as vraiment le minimum, le minimum, le minimum de Alors il y a aussi, vous avez évidemment raison, c'est ce pourquoi on se bat. Donc je vois que des jeunes comme vous, vous pensez beaucoup plus que ce que je pensais à votre âge par rapport à tout ça. J'ai eu l'impression, moi, que beaucoup de vieux qui ont rejoint le gang des vieux en colère, qui sont devenus des vrais gangsters, eh bien on a fait beaucoup d'entre nous, 68. Et puis on s'est un peu endormi. On a cru que, voilà, on a fait la révolution, c'était bien. On a bien ri, on a obtenu plein de choses, hein, parce qu'il ne faut pas croire qu'il y a des gens qui disent « Ouais, ça a été avorté, c'est rien passé. » Ce n'est pas vrai du tout. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé après 68. Et puis, petit à petit, ces changements, on est revenu dans le rang, on est revenu à des choses anciennes, à des vieux démons. Et pendant ce temps-là, cette génération 68 dont je fais partie, elle faisait son boulot, elle avait le nez dans le guidon, elle voyait pas très bien ce qui se passait, et il a fallu attendre une cinquantaine d'années pour qu'on se réveille et qu'on se dise « Mais attendez, c'est un hold-up, là. Le politique a volé notre révolution de 68. On est reparti comme en 68, enfin, voilà. » Mais je dois avouer, avec une grande honte, qu'on écoutait Léo Ferré sans bouger. Je sais pas, on était dans une torpeur comme ça. Mais là, ça va. On redescend dans la rue, comme vous le savez, avec un autre mouvement citoyen fabuleux qui s'appelle Flash Mob Justice Fiscale, qui sont des jeunes. Eh bien, on a occupé un McDo pour expliquer que si McDonald's payait ses impôts comme il faut en Belgique, eh bien, il y aurait peut-être de l'argent pour des infirmiers, des infirmières, des soins de santé, des maisons de repos un petit peu dignes, que si, par exemple, on a occupé l'Apple Store, hein, si Facebook, Apple, Google, tous ces machins gigantesques qui brassent des milliards, des milliards et des milliards, payent un petit peu leurs impôts en Belgique, eh bien, il n'y aurait plus de problème de sécu. Il y aurait de l'argent là-dedans. Et donc c'est pour ça qu'on a occupé avec de nouveau ces jeunes de Flash Mob Justice Fiscale, on a occupé Apple Store et on a un petit peu foutu le bordel en rigolant fort, en jetant des ballons en l'air, hein, on va pas dire que c'est catastrophique et voilà. Et vous faites des actions de désobéissance civile ? Eh bien, Apple Store, vous voyez, c'était pas vraiment prévu. Et quelle réaction face à la police ? Alors les flics sont hyper gentil. Mais vraiment, hyper gentil. Alors, bien sûr, excuse-moi, ils nous demandent notre carte d'identité. Gentil ou respectueux? Ah oui. Écoutez, alors ça, alors je ne sais pas, mais vous savez, je pense qu'il faut retrouver aussi ce respect des vieux. Alors, il y a des vieux cons, comme il y a des jeunes cons. Mais enfin, respecter ne fût-ce que la faiblesse physique. Hein. Moi, je marche plus comme avant, je cours plus comme avant. Voilà. Et je pense que les flics, en tout cas en Belgique, ils ne nous matraquent pas. Hein. On n'est pas à Nice, des jeunes vieilles le guet qu'on matraque goulûment comme ça, et qui, je dois vous dire, va beaucoup mieux, mais est encore quand même un peu beaucoup à l'hôpital. Nous, le gang des vieux en colère, on a pris contact avec elle et on lui a décerné un gangster d'honneur qu'on ira lui porter quand il ira beaucoup mieux. Parce que on peut pas frapper sur les vieux. On peut pas faire. Alors il y a un moment où ça suffit. D'ailleurs, frapper sur n'importe qui, c'est pas très bien. C'est pas gentil. Donc peut-être que c'est respectueux. En tout cas, on n'est pas complice avec les flics. Ils sont de leur côté, ils font leur boulot. Ils prennent les cartes d'identité, ils disent ça suffit, ils disent maintenant il est temps de sortir. Mais ils comprennent très bien qu'on se bat aussi pour leur retraite et aussi pour la dignité au sein de la police. Vous savez, il y a des flics qui suicident tellement, ils sont pressés comme des citrons, tellement ils font des heures sup, tellement ils vont pas bien. Hein. Et quand ils vont se retrouver à 60, 65 ans, à la retraite, les flics, eh bien, ils auront morflé et ils auront droit, eux aussi, à la dignité, parce que c'est un métier quand même que nous, en tout cas, les gangsters, on respecte. Mmh. Mais bon, ça c'est en Belgique alors, parce qu'en France, avec les gilets jaunes, même s'il y a des vieilles personnes dedans, on c'est pour ça que, c'est pour ça que je parlais de Geneviève Le Guay. Oui. C'est une vieille qu'on a matraquée. C'était ça ma référence. Oui, mais pour... Ouais. Qui a été tabassée. Mais oui, mais donc c'est quand même... on dit on ne fait pas ça, oui, mais on fait quand même. Oui. Et puis il y a quelque chose qui me frappe quand tu racontes, tu vois, de mai 68, par après, beaucoup de gens se sont un peu endormis, ou ils étaient ailleurs, ils s'occupaient d'autres choses. Je parlais de moi, hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de copains qui sont endormis, mais moi, en tout cas, je me suis endormi. J'ai l'impression que je n'ai pas veillé, on n'a pas veillé, on n'a pas fait vraiment attention à ce qui se passait. Et maintenant... Parfois, on a vu le mouvement des jeunes pour le climat, qui est vraiment une sorte de cri de cœur, et ça doit changer maintenant. Et bien sûr, ça ne va pas changer maintenant. Et du coup, moi, je me demande comment ça va se passer pour eux, parce qu'il y aura une déception, des choses comme ça. Est-ce qu'ils seront capables de continuer ou de se transformer en autre chose? Mais ça me frappe, quand on parle à beaucoup de gens qui disent qu'en tout cas, la pension, ça ne sera pas pour nous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de défaitisme et de pessimisme auprès des jeunes ou des relativement jeunes qui fait que qu'il n'y a pas cette réflexion, où il n'y a pas le réflexe, en fait, de s'organiser en solidarité entre les générations ou ci ou ça. C'est juste que tout le monde va essayer de se créer une petite bulle. Hein. Saine, qui va enfin, peut-être sortir du salariat, certains le font ou d'autres, mais il y a très peu de il y a relativement peu de jeunes, il y en a certainement, qui sont prêts à militer dans un mouvement qui est plus large, intergénérationnel et combatif avec un sens optimiste. Alors je suis ravi de votre intervention. On ne se connaît pas, mais là on commence à se connaître. Parce que vous avez encore plus plombé la soirée que moi. Alors bravo. Vous êtes un peu rare. Vous avez quoi? Vous avez 35 ans, un truc comme ça? Allez, on va dire 45. Alors, je sais pas, je dis n'importe quoi. 50. Vous les faites pas. Vous êtes un charmant jeune homme. Mais c'est votre génération qui pense comme ça. C'est très marrant, vous êtes pris entre le marteau et l'écorce. Parce que, justement, les jeunes du climat, ils sont beaucoup plus jeunes que vous. Et nous, on est beaucoup plus vieux que vous. Et entre les deux, il y a une espèce... Mais alors, c'est normal. Vous êtes en plein comme on l'était avant vous, le nez dans le guidon, en train de pédaler comme des fous, juste pour vivre, pour vous en sortir, pour tout ça. Nous, c'est terminé. Et les jeunes, ils sont à l'école, ils apprennent vers Saint-Gétoris ou je sais pas qui, et le carré de l'hypoténuse. Enfin, c'est bien que ce soit ces jeunes-là qui soient dans la rue, et il faut les soutenir. C'est bien que ce soit les vieux qui retournent dans la rue, et il faut les soutenir. Et quand je dis il faut les soutenir, arrêtez de vous prendre au sérieux, vous, les jeunes de 50 ans. Venez un peu rigoler dans la rue avec nous. Voilà. Et arrêtez votre morosité, votre côté. Mais c'est normal. Allez prendre une bonne douche, relaxez-vous, et descendez rigoler dans la rue avec nous. Voilà, c'est tout. Bah, c'est une bonne idée, en tout cas. Oui, je crois aussi. Je crois aussi, et je crois aussi que c'est normal que nous, les vieux, on redescende ceux qui en ont la possibilité, c'est-à-dire pas beaucoup, je parle de la possibilité physique, qu'on redescende dans la rue pour dire « Attendez, c'est pas fini. Attendez, on peut encore parler. Attendez, on doit encore nous écouter. Et attendez, on va faire chier. Parce que c'est pas possible d'en venir à un monde qui aurait pu être merveilleux et qu'on est en train, on ne sait pas pourquoi, sauf peut-être pour enrichir une centaine de familles dans le monde. Pourquoi on en revient à ça ? Non, non, non, c'est pas acceptable. Ça m'a fait très penser, mais j'ai oublié le nom de leur groupe. À Anvers, il y a cinq ans. C'est vrai ? Bah oui, avec Hardbovenhardt, ils ont fait... Ah, ça existe toujours, ça. Oui, mais c'est pas vraiment Hardbovenhardt, mais ils ont fait... c'était aussi des vieux en colère, oui. C'était alors, pour le climat, Hardbovenhardt, c'est pas des vieux. Hardbovenhardt, c'est culturel, c'est plus des artistes en réalité. Mais c'était même avant Hardbovenhardt. Mais c'est pas des vieux. Oui, mais c'est tout un groupe. Mais allez, ils ont longtemps existé. Ils ont aussi vraiment lutté pour le climat autour d'Anvers, parce qu'Anvers, il y avait des grands rings qui se laissaient installer. Vous ne vous souvenez plus non plus ? Straten-Général. Oui, Straten-Général, machin. Ils avaient un nom. Et c'était aussi un peu dans ce... Mais eux, c'était plutôt le... Allez, je pense, j'ai une fois écouté leur présentation. C'était plutôt aussi utiliser toutes les méthodes démocratiques qui existent, interpellation dans la commune, tout le bazar. Mais ils ont aussi fait 5 ans. Ils avaient aussi plein de personnes qui faisaient des pétitions pour avoir assez de signatures. Donc ils utilisaient tous les moyens démocratiques. Ouais, démocratiques pour y d'ailleurs, pour d'ailleurs pour, nous avons lancé une pétition il y a très peu de temps. Nous avons lancé une pétition, vous êtes priés d'aller la signer très vite. Tous ceux qui nous écoutent d'ailleurs, ils n'ont qu'à aller sur le site et puis signer la pétition. Mais c'est vrai qu'on part sur ce système-là qui est d'essayer d'employer tous les moyens démocratiques, y compris une joyeuse désobéissance civile. Voilà. Tiens, quand tu parles de vieux en colère, c'est quelle la limite d'âge ? Vous voulez dire un peu comme sexuellement, au-delà de cet âge ? Pour être considéré comme un vieux en colère. Il a bien rigolé. Non, parce que ça va encore pas trop mal. Non, mais... pour votre groupe ? Oui. À partir de quel âge tu considères que les gens ils sont vieux en colère ? Alors, en colère, je ne sais pas. Je pense qu'on peut être en colère à n'importe quel âge. Non, mais dans les vieux. Mais les vieux, nous estimons que c'est vraiment des vieux à partir du moment où ils sont à la prépension. Et il y a des gens qui prennent la prépension à 62 ans, par exemple. Donc, voilà. Mais en règle générale, c'est plutôt aux alentours de 65 ans. Ben, juste pour revenir, bon, juste pour j'ai recherché sur Internet, mais donc c'est vrai, ça s'appelait Adam Loos, et donc c'est aussi un mouvement citoyen qui était commencé en 99. C'était un mouvement qui était d'abord actif en Anvers, et qui était aussi en train de lutter contre les gros projets de ville et l'impact sur la qualité de vie, climat. Eh bien, ça a certainement marché. Ça a certainement marché. Vous savez, c'est le coup du vieux maghrébin qui s'appelle Rabhi. Vous connaissez certainement. Et, Rabhi, il parle que d'une chose, c'est du colibri. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. Vous l'avez certainement raconté 100 fois à votre antenne. Mais c'est ça qu'on fait. Nous, on estime que notre petite goutte d'eau dans cette mare d'injustice, eh bien, elle arrivera peut-être à éteindre cet incendie d'injustice. Parce que il faut que chacun y mette du sien pour arrêter tout ça, quoi, tout ce désastre. On passe un petit morceau de musique ? Ah, si tu veux, on va passer le fameux morceau que... Oui, c'est une chanson, j'ai oublié le chanteur. C'est un chanteur de country. C'est une chanson sur le début d'un certain système de pension aux États-Unis, fin des années 30. Roy Acuff. Roy Acuff, oui. When our old age pension check comes to our door, we won't have to dread the poorhouse anymore. Though we're old and bent and gray, good times will be back to stay when our old age pension check comes to our door. When her old age pension check comes to her door, dear old grandma won't be lonesome anymore. She'll be waiting at the gate, every night she'll have a date when her old age pension check comes to her door. Grow a flowing long white beard and use a cane, 'cause you're in your second childhood, don't complain. Life will just begin at 60, we'll all feel very frisky when our old age pension check comes to our door. Powder and paint will be abolished on that day, and hook skirts will then be brought back into play. Faded cheeks will be the rage, and old maids will tell their age when their old age pension check comes to their door. All the drugstores will go bankrupt on that day. For cosmetics, they will all be put away. I'll put the flapper on the shelf, get a grandma for myself when our old age pension check comes to our door. There's a man that turned this country upside down with his old age pension rumor going round. If you want in on the fun, send your dime to Washington, and that old age pension man will be around. Voilà. Peut-être qu'on peut encore un peu parler de sécurité sociale. Alors, il y a quand même une chose très importante. C'est comme dans la vie de tous les jours, comme dans la vie professionnelle, je dirais, la différence de statut entre les hommes et les femmes. Nous nous battons aussi pour ça. C'est quand même très étrange. Alors je parle pas des salaires inégaux, mais enfin ça vient en partie de ça. Je parle pas des statuts culturels inégaux, c'est plutôt la femme qui s'occupe des enfants que l'homme, et ça. Voilà, ça fait partie de la vie, ça change, hein, petit à petit. Mais arrivé à l'âge où on est vieux, même si, comme je vous l'ai signalé, parce qu'en fait, il y a un moment, il ne faut pas m'insulter, mais enfin, sexuellement, ça va encore pas trop mal, eh bien, les femmes comme les hommes n'ont pas la même pension. Beaucoup d'entre elles ont à peu près 28% en moyenne, de moins que les hommes. Mais pourquoi ? Quand on vieillit, c'est pareil, enfin, c'est... Et comment ceux qui sont responsables de nous, on les a élus pour qu'ils soient responsables de nous, pour qu'ils nous protègent tous. Comment le politique ose laisser passer une injustice pareille ? Les femmes reçoivent 28% de purée en moins, 28% de steak en moins, 28% de salade en moins, 28% d'une couverture ou d'un drap de lit en moins, 28% du toit en moins. Parce que c'est ça, c'est avec cet argent-là qu'on peut manger, se nourrir, se vêtir. Voilà. Moi, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. C'est vraiment... Alors, on sait pourquoi. Mais pourquoi le politique s'occupe pas de ça ? de cette espèce de décalage qui est uniquement sexuel entre les hommes et les femmes. Non, non, il faut que, en tout cas, ce minimum pour lequel nous nous battons, nous, le gang des vieux en colère, c'est-à-dire à aujourd'hui, parce qu'on disait, minimum, en faisant tous des calculs, hein. Et le calcul, c'est, il va un peu s'éclairer, ça va lui coûter tant. Il va un peu chauffer, ça va un peu lui coûter tant. Il va un petit peu consommer de l'eau et quand même prendre des douches, ça va lui coûter tant. Puis il va quand même essayer d'un petit peu partir à la mer ou dans les Ardennes de temps en temps, ne fût-ce qu'un petit week-end, un truc, ça va lui coûter tant. Mais surtout, il va manger, surtout, il va devoir, parce que au bout de 10 ans, pas le tour, hein, parce que vieux. On peut être vieux pendant 30 ans, hein. On va changer de paletot, on va mettre une autre petite laine parce qu'il y a eu quand même des mythes qui ont fini par y arriver, etc., etc. Et bien, avec 1500 par mois, il faut vraiment être costaud pour y arriver, hein. Mm-hmm. Alors, quand on parle du loyer et tout ça, on se dit que les hommes et les femmes réunis doivent avoir un minimum la même chose. Ça nous semble très important. Et puis, il y a des métiers, parce qu'enfin, quand aujourd'hui, certains partis disent « Oui, mais nous, on est d'accord, c'est 1500. » D'abord, le 1500, tout le monde en parlait en 2017, au moment où il y a un de nos copains qui a dit, comme j'ai dit en début d'émission, « Ah, vous savez, moi, j'ai 600 euros par mois pour vivre. » On parlait déjà d'un minimum de 1500. Pourquoi si on parlait en 2017 de 1500, si on parle en 2018 de 1500, on va continuer aujourd'hui en 2019 à parler de 1500? Pourquoi? Il n'y a pas d'inflation sur ce qu'on a dit? Il n'y a pas d'inflation sur la théorie? Non, nous on dit 1600. 1600 net par mois. Ça c'est un minimum. Vous savez qu'une maison de repos... Ah, il y a des gamines qui jactent ici chez vous. Hein. Elles sont insupportables. Hein. Pourtant, j'étais en train de prendre leur défense. Oui, je tout pense. À fait. Alors, tous les vieux là qui m'entendaient, je trouve ça bien qu'on ait 28% en plus de pension que les femmes. Voilà. Ah ben oui. Non, elles essaient de nous interrompre. Enfin, on ne va pas continuer comme ça. Bon, c'était une petite plaisanterie. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut absolument penser qu'il n'y a pas que les 45 années de travail qui doivent être tenues en compte. Il y a plein de travaux. Il y a des saisonniers qui, d'un point de vue statutaire, ne travaillent pas tout le temps. Pourquoi est-ce qu'ils sont pénalisés? On est bien content d'avoir des saisonniers. Il y a les artistes. Un artiste, quand il répète, un comédien, quand il apprend son texte, ils sont pas payés. Ils sont au chômage. Alors, on va plus tenir compte du chômage, des années de chômage. Mais enfin, c'est scandaleux. Ça veut dire qu'il y a des gens que ces politiques charmants vont applaudir. Qui font que les idées profondes de notre démocratie sont soutenues à bout de bras par tous ces artistes, et bien ces artistes, ils n'ont que 20 années comptabilisées de travail, alors qu'ils ont travaillé comme des fous pendant 45 ans, comme tout le monde, ça n'a pas été comptabilisé, tant pis pour eux. Non, mais non, tout ça, ça ne va pas, c'est pas possible, ça. Mais... est-ce une bonne idée de se fier à la politique pour faire changer la situation? Alors ça, comme au début de l'émission, je trouve que c'est une très bonne question, ce qui me donne une fois de plus un petit peu de temps pour réfléchir. Hein, quelle réponse je vais vous donner? Sinon, encore une petite musique. Parce que quand tu parles qu'on a élu des politiques pour nous protéger ou pour ci ou pour ça, bon... ça ne s'est pas passé très très bien les dernières décennies, en fait. Donc je me demande, est-ce qu'en continuant, en s'adressant à la politique, est-ce qu'on va pouvoir changer la donne ou est-ce qu'il faut inventer autre chose? Voilà, vous êtes en train de m'emmener sur le RIC comme les Gilets jaunes, hein, c'est ça que vous êtes en train de faire, c'est pas con d'ailleurs comme, comme idée. Ah, je ne savais pas. Personnellement, mais ça c'est très personnel, c'est pas le gang des vieux en colère qui parle, c'est moi personnellement, je suis pas très défenseur de ça. Je pense que pour s'occuper de la cité, s'occuper des citoyens, c'est-à-dire faire de la politique, et essayer d'aider tout le monde, c'est quand même, il faut quand même avoir une certaine pratique à tous les niveaux. À tous les niveaux de pouvoir. Enfin, il faut... voilà. Nous, par exemple, avec le gang des vieux en colère, on essaie de suivre un cours accéléré pour comprendre ce qui se passe avec les vieux. Je peux vous dire que c'est un boulot à temps plein. Tellement c'est compliqué. Et alors, la Belgique, c'est encore plus compliqué puisqu'il y a le communal, le fédéral, le communautaire, le régional. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Donc je pense en tout cas qu'il y ait des gens formés, qu'il y ait une certaine formation, que pour pouvoir s'occuper de ça, c'est bien. Ce que je pense, par contre, c'est qu'on a eu ces dernières années, je ne sais pas comment c'est possible, mais vraiment beaucoup de voyous en politique. Quand on a vu toutes les casseroles qui sont sorties dans les grands partis traditionnels ces dernières années, il y a quoi tomber raide. Enfin, c'est quoi ces voyous qui se sont mis dans les poches alors qu'ils ont un bon salaire, alors que, voilà, ils sont payés pour le travail qu'ils font. Ça, c'est pas bien. Mais parmi eux, il y a des gens formidables et vertueux. Donc, je pense que faire ce métier... ça mérite d'être récompensé, ça mérite d'avoir fait des études pour, enfin voilà. Je pense que n'importe qui peut devenir un grand artiste, n'importe qui ne peut pas du jour au lendemain devenir un grand chirurgien ou un grand politique. Oui. Moi j'avais encore une question aussi, parce que tantôt tu disais, oui mais un peu quand même... récupérer l'argent chez les multinationales et tout ça, mais ça reste quand même aussi des choix politiques. Après, qu'est-ce qui arrive dans l'impôt ? Mais aussi, le truc, est-ce que... Parce qu'ils défendent, pour moi, allez, on entend souvent, plus les entreprises et tout ça, c'est devenu plus vraiment des politiciens, c'est devenu des gestionnaires des entreprises. Et est-ce que là aussi, pour les assurances privées, c'est quand même aussi quelque chose qu'ils veulent pousser ? Ils veulent quand même privatiser... Mais c'est ce que nous ressentons. Oui. Donc pourquoi tout d'un coup ils vont peut-être changer ? Et c'est vrai, c'est avec plein de choses comme ça. On voit tous les jours de plus en plus des gens à la rue. On voit plein de choses qui vont mal dans ce pays. Mais il n'y a personne qui s'en occupe. On coupe partout. Et c'est comme... les politiciens sont de... Ça ne leur intéresse pas du tout. Tu vois, c'est... Donc... Ils ont plein d'autres intérêts et... Alors nous avons l'impression que ce que vous dites est quand même un petit peu schématique. C'est vrai qu'il y a une tendance. Aujourd'hui, et même depuis de nombreuses années, hein, c'est pas depuis peu de temps, à faire tout pour l'entrepreneur. Et alors, principalement pour l'entrepreneur des multinationales. Et là, nous, le gang des vieux en colère, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord parce que, prenons l'argument du McDo que nous avons occupé, qu'on a transformé en maison de retraite pour montrer à quel point ça pouvait être sympa, une maison de retraite dans un McDonald's. Parce qu'on avait des hamburgers et tout ça. Au bout de 2 heures, les flics nous ont quand même demandé de sortir. On a fait une bonne maison de retraite, on a fêté des anniversaires, tout ça, dans ce McDo. Si vous voulez, l'argument, parce que c'est ça l'argument, c'est oui, mais si on leur demande de payer complètement leurs impôts en Belgique, ils ne seront plus là. Et ça va faire 2000, 20 000, je ne sais pas, emplois en moins. On se fout de qui ? C'est toujours ça. C'est, en tout cas, nous les vieux, on nous prend pour des cons. J'ai déjà dit ça, je crois, 3 fois dans cette émission, mais c'est voilà, je préfère être redondant, on nous prend pour des cons. Est-ce que vous imaginez une seconde que McDo fout le camp et qu'il n'y a personne qui va vendre des hamburgers ? Il y a déjà des pitas de room partout qui emploient du monde. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Donc on ça veut dire que McDo s'en va, eh ben, il y aura d'autres vendeurs de burgers. Mm-hmm. Ça n'a pas d'importance, qu'ils s'en aillent alors. Mm-hmm. Ou qu'ils soient chez nous et qu'ils payent leurs impôts, ou qu'ils s'en aillent. C'est pas grave. Mm-hmm. Mais il ne faut pas dire que si on ne leur fait pas des cadeaux fiscaux, si on ne leur permet pas d'optimiser, non. Non, qu'ils payent leurs impôts comme tout le monde et qu'on n'arrête pas, et qu'avec cet argent-là, on ne fasse pas que acheter des avions bombardiers atomiques, hein, parce qu'il y a ça aussi. Donc ça, c'est le choix politique. Ça, gouverner, c'est choisir. Mais gouverner, c'est choisir, c'est s'occuper aussi de son peuple. Et c'est s'occuper d'abord de son peuple. Voilà. Oui, mais là... Désolée, pour rajouter d'un autre truc, bon, dans mon boulot, je travaille pour la défense pour les personnes qui sont revenues de CPS. On voit vraiment le truc de fraude sociale. C'est vraiment un truc de malade. D'accuser des gens qui n'ont déjà rien, d'aller habiter ensemble, je ne sais pas quoi, et ce n'est pas très clair, un machin, machin, c'est devenu une fraude. Ah, et, ah mais, ça, c'est... mais et... alors c'est un truc de fou. Mais c'est... donc déjà là, tu vois, c'est ça que je veux dire, ça ne leur intéresse pas du tout que ça va... Attendez, tu vois, le coût du cohabitant. Mmh, ouais, alors ça date de je ne sais plus quand. Ah ouais, les gens se marient, donc ils sont à deux, donc ils vont payer plus d'impôts que celui qui est tout seul. Oui, enfin, oui. Ce qui se passe maintenant, les jeunes, ils commencent à habiter... en cohabitation. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus les moyens d'habiter tout seul. Le loyer augmente. Les vieux essayent d'acheter des maisons ensemble, à 20 ou à 30, d'avoir chacun leur petit appartement. Ils ne le font pas. Pourquoi ? Parce que ces salopards de politique, on dit « Ah, s'ils habitent à plus qu'un, ah, on va les imposer en plus ». Donc ça veut dire qu'on tire de nouveau sur les plus misérables qui n'ont pas la possibilité d'habiter tout seuls, qui essaient de trouver un moyen pour s'en sortir. Ils trouvent ce moyen pour s'en sortir, boum, on les coule, on les fait mourir. Et alors ils se retrouvent dans des maisons de repos qui coûtent beaucoup plus cher que 1500 euros. Parce qu'on est avec nos 1500, nos 1600 euros, qui paye ces maisons de repos ? Leurs enfants. Attendez, c'est un truc de fou. Non seulement ils ne peuvent pas vivre décemment, ils ne peuvent pas mourir décemment, ils ne peuvent pas vieillir décemment, mais en plus, quand ils sont en maison de repos, ils doivent demander à leurs enfants de payer le supplément. Ça veut dire qu'à tous les niveaux, on se fout de nous. Et de beaucoup de monde. Plus en plus, quoi. Et de beaucoup de monde. Parce que mais qui... surtout, ne baissez pas les bras. Surtout... relever la tête, venez... Oui, mais... et lutter ensemble, quoi. Et parce... voilà, et voilà. Parce que... ouais, parce que... Nous, de toute façon, c'est clair, nous, les carottes sont cuites. Je vous parle maintenant, vous savez, à partir du moment où on a dépassé un certain âge, hein, à tout moment, dans la nuit, je peux avoir un infarctus, hein, soyons sérieux, c'est comme ça, hein, j'ai quand même plus de chance, ou de malchance, de crever avant demain que les autres. J'ai des copains qui disparaissent les uns après les autres autour de moi, ça fait de vide. C'est comme ça, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Mais donc, c'est bien pour ça qu'on dit on se bat pour vous. Notre mouvement, le gang des vieux en colère, c'est pour vous, pour les jeunes, pour les générations futures. Alors, la prochaine fois, vous faites un manif... Alors, on en reparlera après les élections, si vous voulez bien, vous me réinvitez, alors on vous expliquera. Ok, on va peut-être conclure, parce qu'il est déjà 21h56, donc c'est pas que j'ai pas envie que vous continuiez à parler. Il fallait pas me lâcher dans l'arène. Hein. Peut-être qu'il faudrait redonner l'adresse du site. Alors, le site, c'est Gang Déviant en colère, sans accent sur colère. Donc, on commence par faire une faute d'orthographe, peut-être parce qu'on est Alzheimer et qu'on a oublié. Donc, gangdéviantencolère.be, ça, c'est le site. Et sinon, sur Facebook, on nous trouve à une page publique, Gang Déviant en colère. Et une autre page qui elle est privée, où il faut s'inscrire pour se faire membre, la clé pour ouvrir cette page, qui est le groupe privé Gang des Vieux en colère. C'est comme ça qu'on peut avoir le plus de nouvelles de nous. Et alors, si on veut agir concrètement, vraiment descendre dans les manifs, dans la rue et tout ça, et qu'on sent encore la force de le faire, eh bien, c'est il faut écrire en disant « Je suis d'accord à Gang des Vieux en colère, toujours sans accent, @gmail.com. » Ok, ben voilà. Donc on a, vous avez encore quelque chose à ajouter ? Mais moi j'ai quelque chose à vous. Je vous remercie de nous inviter comme ça. Je ne suis qu'un des petits porte-parole. Les autres sont beaucoup plus marrants que moi. Moi, j'ai plombé toute votre soirée. mais vraiment, c'est super sympa de nous permettre de nous exprimer comme bah ça. Oui, merci mais beaucoup. Mais c'est normal. Hein, tous ceux qui sont en colère, on aime bien les inviter. Voilà. On en a beaucoup. On va faire juste un petit morceau de musique avant de passer à l'agenda. Si tu veux, ouais. Ok. Il rentre dans le vestiaire, défait le cadenas ou son casier, pose le gueuse du casse-dalle, enfile sa blouse et s'assied. Enlève ses chaussures, met les chaussures de sécurité, prend séquence en cutter, quelques pièces pour le café. Il regarde l'heure, plus que 5 minutes avant de commencer. Il referme à clé, gavé d'avance, rien qu'y penser. Puis pas à pas, se dirige lentement vers sa machine. Regarde la mine des autres, fatigué mais content de quitter l'usine. Écoute les consignes du gars de l'équipe précédente. S'il y a rien, c'est bon signe, la nuit sera moins fatigante. 21h pile, le gars lui souhaite bon courage. Ramasse ses affaires et file, le v'là face à l'ouvrage. Pas le temps de s'installer, deux pièces à contrôler. Emballer vite fait avant que deux autres prennent le relais. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie. Pour lui, le compte à rebours s'est enclenché, à peine le plancher foulé. 8h à tenir et pas question de flancher. Sinon c'est la porte, des gars comme lui, y'en a à l'appel. Profession, OS, comme ils les appellent dans les boîtes d'intérim. Ouvrier spécialisé, ferme-la et trim. L'exploitation est officialisée. Subventionné par l'État, c'est sûr que ça fait cogiter. Passons une fait que ça de cogiter. Même agité, pense à tout pour s'évader. Vois ces gosses gambader, se rappelle du week-end dernier. Des conneries du JT, mère descend vite fait sur terre. Son chef l'interpelle, à défaut de personnel, lui file du taf supplémentaire. Envie de s'occuper de son cas, lui refaire la déco comme celui qui lui a fait le contrat. Il y a 3 mois chez Adeco, maintenant ça lui fait de presse. Plus de stress, il galope de poste avec cette cadence qui l'oppresse. L'horloge qui l'agresse, il n'attend qu'une chose. 1h30, que vienne son heure de pause. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie. Il part que la dernière moulée, on vient le remplacer. Quitte enfin l'atelier, t-shirt mouillé, dos cassé, grimpe les escaliers. Va pouvoir pisser, se laver les mains, fissa avant de pouvoir aller crailler.